La triple destinée de Nathaniel Hawthorne. J'ai souvent éprouvé un bizarre et singulier plaisir à pousser, aussi loin que me le permettait mon imagination, un rêve où le merveilleux de la légende se combinait avec les événements réels et familiers de la vie. Dans le petit récit qui va suivre, une légère teinte de merveilleux se trouve mêlée à un tableau de mœurs de la Nouvelle-Angleterre, sans cependant, nous le croyons, effacer les touches sobres de la nature. Sans prétention au réalisme, cette histoire doit plutôt être considérée comme une allégorie dans le genre de celles que les écrivains du dernier siècle ont racontées sous la forme de contes orientaux, mais à laquelle nous nous sommes efforcés de donner un peu plus de chaleur et de vie qu'on en rencontre généralement dans ces productions de la fantaisie. Par un beau soir d'été, un homme de haute stature, dont la figure basanée s'était bronzée sans doute sous de lointains soleils, faisait son entrée dans un village, non point du pays des fées, mais de notre vieille et chère patrie. Le bambou sur lequel il s'appuyait avait été son fidèle compagnon de voyage depuis qu'il l'avait cueilli dans les jungles de l'Hindoustan. Le chapeau qui couvrait son front soucieux l'avait abrité du soleil d'Espagne, mais son visage s'était hâlé au souffle brûlant du vent du désert et aux brises glacées des régions polaires. Habitué à vivre au milieu des populations les plus sauvages, il gardait à la ceinture le yatagan qu'il avait jadis plongé dans la gorge d'un bandit albanais. Ses longs et nombreux voyages, en lui enlevant son originalité native, lui avaient pour ainsi dire imprimé une physionomie nouvelle. Aussi ne doit-on pas s'étonner que le hardi voyageur pût de nouveau fouler le sol de son village natal, sans que personne le reconnût, bien qu'il fût l'objet de la curiosité de tous. Cependant, son bras ayant frôlé par mégarde celui d'une jeune femme qui se rendait à la prière du soir, celle-ci leva les yeux, tressaillit, et d'une voix affaiblie par l'émotion murmura le nom de « Ralph Cranfield ». « Quoi ? Serait-ce la Constance Egerton, la compagne des jeux de mon enfance ?» se demanda le voyageur qui, sans interrompre sa marche, regardait s'éloigner la jeune fille. Ralph Cranfield, car c'était lui, s'était senti, dès l'âge le plus tendre, appelé à de hautes destinées. Soit que cette idée lui eût été suggérée par les prédictions d'une sorcière ou par un songe prophétique, soit qu'elle eût pris naissance dans son imagination, toujours est-il qu'il tenait pour certain que trois principaux événements de son existence devaient lui être annoncés par trois signes particuliers. Le premier de ces trois merveilleux événements, celui peut-être sur lequel sa jeune imagination avait fondé les plus belles espérances, était la découverte d'une jeune fille qui, seule entre toutes, devait le rendre heureux par son amour. Il devait courir le monde jusqu'à ce qu'il vînt à rencontrer une belle jeune fille portant sur sa poitrine un bijou en forme de cœur. Que ce fût une perle, un rubis, une opale changeante, ou bien un diamant d'un prix inestimable, il s'en inquiétait peu, pourvu que ce bijou eût la forme d'un cœur. Lorsqu'il aurait rencontré l'objet de ses vœux, il devait en outre lui adresser ces paroles « Ami, je vous apporte un cœur gonflé d'ennui. Puis-je les décharger dans votre sein ?» À quoi la fiancée de ses rêves, si c'était elle qui fut devant lui, devait répondre en plaçant un doigt sur le talisman « Ce gage que j'ai si longtemps porté, vous en êtes un sûr garant. » En second lieu, Ralph Cranfield croyait fermement qu'il y avait quelque part, enfoui sous la terre, un immense trésor dont l'emplacement ne devait être révélé qu'à lui seul et au moment où son pied foulerait l'endroit mystérieux. Il devait alors voir distinctement une main lui désignant la terre. Cette main devait-elle être sculptée dans le marbre gravé sur un rocher ou se dessiner, en trait de feu sur le sombre azur du ciel, il l'ignorait. Mais ce devait être une main dont l'index tourné vers l'endroit fatal porterait en exergue ce mot latin « effode »,« fouille », et en fouillant la terre autour de lui. Or, monnayé ou en lingots, pierre fine ou métaux précieux, un trésor enfin, quel qu'il fût, devait être le prix de ses efforts. Le troisième et dernier de ses rêves merveilleux ne lui promettait rien moins que son élévation à la suprême puissance avec un pouvoir illimité sur ses semblables. Serait-il le fondateur d'une monarchie héréditaire, ou le chef glorieux d'un peuple combattant pour son indépendance, ou même le pontife d'une religion nouvelle, c'est ce que l'avenir lui apprendrait. Mais la nouvelle lui en serait apportée par trois vénérables personnages qui solliciteraient l'honneur de l'entretenir. Leur chef, un majestueux vieillard, revêtu d'habits amples et flottants, à la façon des sages de l'Antiquité, devait être porteur d'une baguette magique avec laquelle il tracerait dans l'air une figure mystérieuse. Puis il lui ferait connaître le but de leur visite en lui apprenant quelle haute destinée lui était réservée. Avec cette triple perspective devant les yeux, et poussé par son esprit aventureux, Ralph Cranfield s'était un beau jour mis à la recherche de la jeune fille, du trésor et du vénérable trio qui avait pour mission de lui assurer un empire si vaste et si absolu. Les avait-il trouvés? Hélas! Il ne revenait point au toit maternel avec la mine d'un triomphateur, mais plutôt avec l'air sombre et résolu d'un homme contre qui s'est acharnée la mauvaise fortune. Il revenait, pour quelques jours seulement, déposer l'habit poudreux du pèlerin et revoir ses lieux chéris où, pour la première fois, sa triple destinée lui avait été révélée, espérant y oublier les déceptions de sa vie passée et retrouver les illusions de son jeune âge. Le village avait subi peu de changements. C'était une antique bourgade aux ormes centenaires et dont les toits moussus abritaient depuis bien des années les mêmes familles. Ralph retrouva le village tel qu'il l'avait laissé quelques années auparavant. Seulement, tandis que sa tête, jeune encore, s'était parsemée de fils d'argent, les ormes en vieillissant avaient encore élevé leurs cimes majestueuses. Les maisons noircies par le temps s'étaient couvertes d'une mousse plus épaisse, et le champ du repos comptait sans doute quelques tombes de plus, sur lesquelles étaient gravés des noms qui lui avaient été chers ou familiers. Cependant, malgré les années qui s'étaient écoulées depuis son départ, il lui semblait être sorti du village le matin même, avoir rêvé toute la journée et revenir le soir, comme jadis, fatigué d'une longue promenade. Aussi son cœur se serra lorsqu'il vit que personne ne le reconnaissait alors qu'il avait reconnu tout le monde. « C'est moi qui suis changé, » murmura-t-il en croisant ses bras sur sa poitrine. « Je suis parti plein d'espérance et de joie, et je reviens là de courir le monde, triste et découragé. La jeunesse s'écoule, rapide et joyeuse, mais elle ne revient point. » Ralph avait atteint la modeste demeure où sa vieille mère, vivant d'un maigre revenu, avait compté les heures en attendant son fils. En entrant dans l'enclos, il s'appuya contre un gros arbre, jouant avec son impatience, comme il arrive souvent dans ces moments décisifs. Il contempla l'habitation dont les croisées s'empourpraient aux derniers rayons du soleil, le morceau de meule de moulin qui servait de seuil, et l'étroit sentier que depuis longtemps la vieille femme foulait seule d'un pas mal assuré. Puis, ramenant son regard vers le gros arbre, son vieux camarade d'enfance, il découvrit un objet qui amena sur ses lèvres un mélancolique sourire. C'était une inscription à demi effacée, le mot latin effaudé, qu'il se rappelait avoir gravé sur l'écorce avec la pointe d'un couteau alors qu'il commençait ses rêves ambitieux. Mais coïncidence singulière, au-dessus de l'inscription s'était formée une excroissance figurant une main, l'index tourné vers le mot fatal. Telle était du moins l'apparence que lui donnaient les teintes sombres du crépuscule. Un homme plus crédule, dit froidement Ralph, pourrait croire que ce trésor que j'ai cherché dans le monde entier est là, à la porte de notre maison. En vérité, ce serait une singulière ironie de la fortune. Un spectacle nouveau vint détourner le cours de ses pensées. La porte venait de s'ouvrir. Une femme âgée apparut sur le seuil, cherchant à découvrir, à travers l'obscurité, l'inconnu qui avait envahi son enclos et se tenait appuyé contre l'arbre. Passons sur les embrassements et les larmes qui suivirent leur reconnaissance, et laissons-les goûter en paix, l'une l'indicible joie de revoir son enfant après une si longue absence, l'autre le repos dont il avait tant besoin. Cependant Ralph ne put reposer de la nuit. Son sommeil fut troublé par les rêves les plus étranges, et il se leva de grand matin le front encore soucieux. L'ardeur qu'il avait mise autrefois à débrouiller le triple mystère de sa destinée se réveilla plus vive que jamais. Toutes les illusions de sa jeunesse semblaient l'avoir attendu sous le toit de sa mère pour voltiger autour de lui et fêter son retour. Dans sa petite chambre, sur l'oreiller qui avait bercé son enfance, il venait de passer une nuit plus agitée qu'aucune de celles qu'il avait passées sous la tente de l'Arabe ou dans les mystérieuses profondeurs des forêts. Il lui avait semblé voir dans son sommeil s'avançait vers son lit une jeune vierge, le doigt fixé sur un cœur enflammé. Une main de feu avait brillé dans les ténèbres, montrant mystérieusement la terre. Un vieillard aux longs cheveux blancs, tenant à la main une baguette magique, lui avait montré un trône en l'invitant à s'y asseoir. Puis, à l'aube, tous ces fantômes avaient disparu. Cependant, il croyait vaguement les reconnaître dans la foule des amis accourus pour fêter son retour. Ceux-ci le retrouvaient tel qu'il l'avait connu, grand, vigoureux, sombre, quoique d'un abord doux et facile, les yeux perdus dans une étrange rêverie et semblant vouloir percer l'infini. La vieille mère de Cranfield, qui semblait rajeunie par le bonheur, allait et venait dans la maison. Elle allait donc avoir de nouveau quelqu'un à aimer, à soigner, et dont la présence l'encouragerait dans les mille soins de la vie domestique. Il était près de midi, lorsque, s'étant approchée de la porte, elle aperçut trois personnages s'avançant à l'ombre des ormes. Ils s'arrêtèrent à sa porte et levèrent le loquet. « Ralph ! » s'écria-t-elle avec orgueil. « Voici M. Hawkwood et deux autres conseillers qui viennent pour te voir. Tu vas leur raconter ce que tu as vu dans tes voyages. » M. Hawkwood, le premier des trois visiteurs, était un personnage quelque peu emphatique, mais excellent du reste, la plus forte tête du village, et passant généralement pour un des hommes les plus sages qui se puissent rencontrer. Il portait, suivant une mode qui commençait à passer, un tricorne et une canne à pommes d'argent qui lui servaient plutôt de contenance qu'elle ne l'aidait à soutenir ses pas. Ses deux acolytes, deux des plus gros propriétaires de l'endroit, marchaient respectueusement derrière lui. Tous trois s'avançaient déjà dans l'étroit sentier qui conduisait à la demeure de Ralph, tandis que celui-ci, enfoncé dans un vieux fauteuil de chêne, ayant à peine conscience de ce qui se passait autour de lui, était encore plongé dans les pensées romanesques qui avaient envahi son cerveau. « Tiens, se dit-il, poursuivant sa rêverie, voici trois vénérables vieillards dont le premier s'appuie sur un bâton. Cette ambassade vient-elle m'apporter le message de ma destinée ?» Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, Ralph quitta son siège pour aller à leur rencontre. Sa taille imposante, son visage austère lui donnaient un air de dignité naturelle qui contrastait avec l'air important du digne M. Hawkwood. Le vieux gentleman, suivant une ancienne habitude, fit un moulinet avec sa canne en guise de préliminaire, puis, retirant son tricorne pour s'essuyer le front, commença d'exposer le motif de sa visite. « Mes collègues et moi, dit-il d'une voix grave, sommes surchargés de travail dans l'administration des affaires du village. Depuis quelque temps, nous cherchons un homme capable de remplir un poste important et qui consiste à se charger d'une responsabilité qui, tout bien considéré, est égale à celle des rois et des potentats. Nous avons pensé que vous, notre compatriote, dont l'intelligence naturelle a dû se mûrir au contact des civilisations étrangères et dont les années ont dû calmer l'effervescence de la première jeunesse, vous que la Providence a ramené parmi nous, étiez justement celui qu'elle a désigné pour remplir notre dessein. » Pendant cette harangue encore obscure pour lui, Ralph regardait fixement l'orateur, comme s'il eût cherché à découvrir quelque chose de surnaturel dans l'importante personne du vieux gentleman, dont le vaste habit à pans carrés, le gilet tombant et les larges culottes figuraient assez bien les vêtements flottants du sage de son rêve. Cet étonnement s'expliquait d'autant mieux que l'honorable M. Hawkwood avait, tout en parlant, décrit avec sa canne le signe mystérieux qui devait confirmer le message du prophétique vieillard que Ralph avait cherché par toute la terre. « Et quel est, dit ce dernier, la voix tremblante d'émotion, ce poste qui doit me rendre l'égal des rois et des potentats ?»« Rien moins que celui de maître d'école de ce village, répondit M. Hawkwood. La charge est devenue vacante par la mort du digne M. Whittaker, son titulaire depuis 50 ans. « Je réfléchirai à votre proposition, dit Ralph après un silence de quelques instants, et dans 3 jours je vous ferai connaître ma détermination. » Après avoir échangé quelques paroles, les trois conseillers prirent congé de Ralph, mais leurs physionomies se confondirent de plus en plus dans sa mémoire avec les majestueuses figures qui lui étaient apparues dans ses rêves, qu'il avait poursuivi dans ses moments de veille et avait fini par se présenter à lui à tous les instants de son aventureuse existence. La figure du vieux gentleman ne fit bientôt plus qu'une avec celle du vénérable sage qu'il avait contemplé du haut de la pyramide de Khéops, lui avait adressé un signe bienveillant sous les arceaux de l'Alhambra et lui était apparu dans les chaudes vapeurs du grand geyser. Plus il interrogeait sa mémoire, plus il trouvait de ressemblance entre le mystérieux messager de sa destinée et l'importante édile du village. Ralph demeura tout le jour dans sa demeure, plongé dans ses réflexions, entendant à peine les naïves questions de sa vieille mère et répondant au hasard. Le soir venu, il sortit et ne put se défendre, en passant près du vieil orme, de jeter un regard sur la main qui désignait toujours l'inscription à demi effacée. Comme il descendait la grande rue du village, les derniers rayons du soleil couchant projetaient son ombre devant lui. De même, un secret pressentiment avait devancé tous les événements de sa vie. Chaque objet, le long de la route, lui rappelait un souvenir de son enfance ou de sa jeunesse, et les moindres détours lui étaient encore familiers. Il n'y avait pas jusqu'aux accessoires qui ne lui parussent être restés les mêmes. Un troupeau de vaches paissait sur le bord de la route, et le rôdeur lui rappelait les longues veillées d'hiver dans l'étable de son père. « Sur ma foi, pensait-il, je préfère cette senteur franche et saine au parfum que notre vaisseau rapportait des Moluques. » Un peu plus loin, c'était un bambin joufflu qui sortait en courant et venait rouler dans ses jambes. Ralph courbait sa grande taille et prenait l'enfant, le remettait au bras de sa mère. « Ce sera sans doute un de mes sujets, » se disait-il en souriant et en soupirant à la fois. La sensibilité débordait à flot de son cœur oppressé, lorsqu'il se retrouva tout à coup devant une porte où il savait bien qu'il pouvait frapper sans crainte. Une voix douce, et qui annonçait une âme tendre, chantait une vieille légende dans l'intérieur de la maison. Il baissa la tête pour franchir une petite porte et entra dans la chambre. Au bruit de ses pas, une jeune femme s'avança rapidement à sa rencontre, puis, devenue confuse à sa vue, s'avança plus timidement jusqu'à ce qu'ils ne fussent plus qu'à deux pas l'un de l'autre. Leur figure présentait un singulier contraste. L'une, brune et énergique, celle d'un homme qui a longtemps voyagé, brûlé par tous les soleils, halé par tous les vents. L'autre, blanche, délicate, calme dans son agitation, comme si toutes les émotions de la vie eussent dû se briser contre la placidité de son âme. Mais une commune sympathie animait ces deux êtres en apparence dissemblables et colorait leurs joues d'une furtive rougeur. « Vous voici donc enfin de retour, » dit Constance Egerton. Ralph ne répondit pas. Son attention était absorbée par la contemplation d'un bijou en forme de cœur que la jeune fille portait en guise de broche sur sa poitrine. C'était un quartz fort ordinaire qu'il se rappelait avoir taillé lui-même avec un de ces silex tranchants que les peaux rouges ont coutume d'ajuster au bout de leurs flèches. Or, c'était précisément le modèle du bijou que devait porter la femme de ses rêves. Lors de son départ, Ralph en avait fait présent à son ami d'enfance. « Ainsi, Constance, dit-il, vous avez gardé le cœur que je vous avais donné ?»« Oui, dit-elle en rougissant encore plus. « Mais, ajouta-t-elle pour cacher son trouble, que me rapportez-vous aujourd'hui ?»« Constance, répondit Ralph, prononçant les mots magiques sans en avoir conscience et par une impulsion irrésistible. « Je vous apporte un cœur gonflé d'ennui. Puis-je l'ai déposé dans votre sein ?» « Ce gage, que j'ai si longtemps porté, » dit Constance en posant sa main tremblante sur le cœur, « vous en êtes un sûr garant. »« Constance, Constance !» s'écria Ralph en la pressant dans ses bras robustes. « Vous m'avez expliqué mes rêves insensés. » Oui, le rêveur s'était enfin éveillé. Pour trouver le mystérieux trésor, il n'avait qu'à cultiver l'enclos paternel et à vivre de ses produits. Au lieu de recevoir l'épée du général en chef, le sceptre royal ou la mitre du pontife, il aurait à gouverner et instruire les enfants du village, et la femme de ses rêves n'était autre que la bien-aimée compagne de son enfance. Que ceux qui nourrissent de semblables illusions regardent autour d'eux. Ils trouveront le plus souvent le bonheur et la prospérité dans l'accomplissement étroit des devoirs que la nature leur a tracés. Heureuses les âmes simples qui, du premier coup, déchiffrent l'énigme de leur destinée sans en chercher le sens à travers le monde, ni user leur vie et leur intelligence à le deviner. C'est ainsi que s'achève La triple destinée de Nathaniel Hawthorne.